écoutez Cartable FM 93.3 et vous écoutez surtout Let's Talk, la troisième émission. Bonjour Romain. Bonjour Sacha. Bonjour Mélanie et Cédric, nos deux invités du jour. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, pour débuter, comme d'habitude, on va écouter Romain pour ses deux petites minutes d'info du jour. Vas-y Romain. Merci Sacha. Donc pour commencer, au Mans, après une violente bagarre dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10, place de la République, les agresseurs, âgés de 31 et 32 ans, ont été condamnés respectivement à 30 mois et 24 mois de prison. La bagarre, d'une violence inouïe, a demandé l'aide des militaires du second RIMA, en repos à ce moment-là. Les agresseurs regretteraient, ils s'excusent auprès des victimes. Ensuite, un incendie s'est déclaré ce mardi 12 novembre vers 20h45, avenue Louis Cordelet, quartier Chasse Royale, toujours au Mans. Il se situait dans un logement mitoyen du restaurant Pizza Safa et d'un magasin de salle de bain et de cuisine. Il n'y a eu, heureusement, aucun blessé. L'incendie serait dû, d'après les premiers éléments recueillis sur place, à une friteuse qui aurait pris feu dans le logement. Le restaurant a, quant à lui, été endommagé. Pour continuer à Paris, des hommages aux attentats du 13 novembre 2015 ont eu lieu partout où il y a eu des victimes. Leurs noms ont été inscrits sur place, puis lus, avec les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Emmanuel Macron rappela quant à lui de toujours rester ensemble pour lutter face au terrorisme. L'attentat, rappelons-nous, avait fait en tout 131 morts et plus de 350 blessés. Et enfin, aux États-Unis, une procédure de destitution est enclenchée contre Donald Trump. Celui-ci dénonce une mascarade et une chasse aux sorcières délirantes. Les premières auditions publiques ont lieu ce mercredi 13 novembre au Congrès américain. Les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants soupçonnent Donald Trump d'avoir bloqué une aide militaire destinée à l'Ukraine. L'objectif de la procédure est de prouver que le président des États-Unis a commis un abus de pouvoir. Seulement, trois présidents aux États-Unis ont eu une procédure de destitution et aucun n'a jamais été destitué. Merci Romain, merci beaucoup. Et sans aucune transition, nous allons passer à une nouvelle rubrique qui s'appelle Le saviez-vous, toujours animée par toi, Rome. Et donc, je vais laisser les auditeurs comprendre de quoi il s'agit en te laissant la parole. Et oui, ouverture d'une nouvelle chronique, on va vous dire tout ce qui s'est passé il y a très longtemps, mais le même jour. Par exemple, le 13 novembre 1830, il y a eu la mise en vente de Le Rouge et le Noir de Stendhal, qui est... Tu voulais dire quelque chose, Sacha ? Un roman, oui. Vas-y, continue. Ensuite, nous avons eu la toile Impression et Soleil levant de Claude Monet en 1872. Puis le 16 novembre, on a eu le tout premier Harry Potter qui a été publié, Harry Potter à l'école des sorciers en 2001. Le meilleur. C'est vrai. Et puis le 18 novembre, en 1928, on a eu la première projection de Steamboat Willie, marquant la naissance de Mickey Mouse. Ah, Mickey Mouse. On va faire une petite pause musicale maintenant en écoutant Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds I shed, it's a lonely view. With the birds I shed, it's a lonely view. With the birds I shed, it's a lonely view. Écoutez toujours Cartable FM 93.3, mais vous écoutez surtout Let's Talk. Donc nous invitons aujourd'hui Mélanie de la bicyclette de Graham et Cédric, dit Cédric Latouf. Donc bonjour à vous deux, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Aujourd'hui c'est un peu une grande première car c'est la première fois qu'on accueille en studio à l'émission deux invités en même temps. Donc qui dit deux invités dit de nombreuses questions en plus, alors ouvrez les écoutilles. Tout d'abord, je vais laisser vous présenter sans trop en dire, pour éviter d'empiéter sur le reste de mes petites questions. Par qui on commence? Par Mélanie, Cédric? Mélanie. J'y vais, ouais. Alors moi, c'est Mélanie, donc je suis la fondatrice de la bicyclette de Graham, qui est un atelier de restauration de vélos vintage et de création de vélos urbains. Et moi, c'est Cédric, Cédric Latouf, du coup, de mon nom d'artiste. Je suis graphiste et web designer, du coup, à l'ITEM. Et à côté de ça, j'ai mon entreprise où je crée pas mal d'illustrations. D'accord. Avant de vous demander comment vous avez débuté, il faudrait savoir donc, quel art vous exercez, quel est le nom, en fait, ce que vous faites pour poser le décor un petit peu, le principe la représentation que vous faites de votre art ou clair, pas clair? Ouais, clair. Comment dire ça? Vas-y, je te laisse parler, ça vient pas. Donc moi, par rapport à l'atelier, du coup, c'est vraiment de remettre au goût du jour les vélos anciens, d'avoir quelque chose d'atypique et redonner une âme à un vélo qui en a une, sur des anciens vélos qui peuvent dater de 1950-40 jusqu'à 1980. Et du coup, de cet art, je fais quelque chose d'unique où je fais ressortir un vieux vélo qui de toute beauté. Pas mal. Non, c'est bien. Ouais, ouais. Donc, à toi maintenant. Moi, je suis un illustrateur qui fait du doodle. On va dire c'est vraiment ça, à la base, qui est l'art de faire du gribouillage. C'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais je fais une accumulation de personnages ou de boubouilles ou de choses, d'hachures ou de traits sur différents supports, que ce soit une feuille ou objet, on va dire. Alors, dit comme ça, c'est bizarre, mais j'ai été regardé et franchement, c'est pas mal. Merci. Comment avez-vous commencé? Grâce à qui? Grâce à quoi? Mélanie? Ouais, alors comment c'est notre collaboration ensemble ou vraiment moi de mon côté? Chacun de son côté pour l'instant. Chacun de son côté. Moi du coup, j'ai refait un vélo pour moi, un vélo urbain. Et du coup, j'en ai fait pour les amis, la famille. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, il n'y en a pas au Mans. Donc ça peut être sympa d'amener quelque chose de nouveau. Puis une mécanicienne femme, c'est plutôt original. Donc du coup, autant le mettre à la ville du Mans. Et moi, de mon côté, bah, ça va faire 10 ans que je suis au Mans et que je suis graphiste du coup à l'ITEM. Et avant ça, je suis illustrateur depuis que, on va dire, je suis sorti des études, donc il y a un peu plus de, il y a beaucoup de temps. Et du coup, depuis ma sortie d'école d'art, finalement, j'ai pas arrêté de faire du dessin. Après le doodle, ça fait réellement 5-6 ans que je fais ça réellement, en fait, quoi. Et qu'est-ce que l'ITEM, pour les auditeurs qui ne sauraient pas? L'ITEM, c'est l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique. On forme des élèves à réparer et construire des instruments de musique sur plusieurs sections. Du coup, on a une section guitare, instruments à vent, piano, accordéon, une section régisseur du son et une section commerce des métiers de la musique. D'accord. Alors maintenant, une petite question chacun. Qu'est-ce que la bicyclette, pourquoi la bicyclette de Graham? Qu'est-ce que Graham? Graham, c'est mon chat, tout simplement. Tout simplement. Et pourquoi vous vous faites nommer Cédric Latouf? En école d'art, du coup, j'avais à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux et des dreads même. Et du coup, j'avais vraiment une grosse touffe sur la tête. Et mes potes d'école d'art m'ont appelé Latouf. Donc voilà, c'est quelque chose qui est resté finalement. Quoi. Surnom qui est resté, oui. Est-ce que chacun vos tours, est-ce que l'appellation d'artiste vous convient, chacun, même pour une mécano ou pour un illustrateur? Pour moi, oui, ça, on va dire que je suis un artiste. Après, je trouve plus, je préfère le terme illustrateur parce que je trouve que ça correspond plus à mon truc. Mais après, on dit très souvent l'artiste Cédric, même à un moment, du coup, elle me dit « Ah, mon fils, c'est un artiste ». Donc voilà, donc... Après, je crois que Mélanie, c'est différent. Ouais, moi, ça a plus être différent. C'est plutôt artisan, parce que c'est un métier de main. Après, on peut mettre sous le nom créatrice, du fait que je fais des vélos urbains et qui soient vraiment sur de la création unique. Mais je suis plus artisan qu'artiste, quand même. Je garde cette casquette-là. Ok. Est-ce que vous avez une petite habitude, un toc, lorsque vous pratiquez soit l'illustration, soit la restauration de vélos? Est-ce que vous mangez du chocolat, écoutez de la musique ou ce genre de choses? Moi, j'écoute très souvent de la musique. Après, j'ai pas de préférence, mais du coup, dès que je dessine, j'écoute beaucoup de musique. C'est plus ça. Et ça m'arrive quand même parfois de vouloir être totalement au calme et de travailler totalement dans le silence, en fait. C'est peut-être dans les moments où je suis en train de faire un truc vraiment chiant, assez minutieux, ou que là, du coup, je me dis, bah, j'ai besoin de calme pour me concentrer vraiment, en fait. Mais à part ça, je crois pas avoir de toc spatial. Et pour moi, je suis un peu comme Cédric. C'est vraiment sur la musique. Et comme lui, quand j'ai besoin de me concentrer, il faut vraiment que je sois dans ma bulle pour faire les choses, parce que je suis assez perfectionniste. Donc du coup, ouais, c'est pas vraiment un toc, mais la musique est quand même présente dans mon quotidien. Toi, t'as besoin de ton chat, en fait. Ouais, moi j'ai besoin de mon chat, de Ronron et de Papouille, c'est vrai. Alors, le chat, il aide ou pas? Ouais, totalement. Lui, il charme les clients. C'est plus simple. Ah oui, c'est peut-être ça. Alors, juste, où est situé l'atelier, du coup? Alors, l'atelier se situe au niveau du quartier Croix-de-Pierre. Et l'atelier se trouve à mon domicile. Donc, du coup, il n'y a pas de vitrine, c'est sur rendez-vous. Ok. Quel est le matériel nécessaire pour le doodle? Parce que, est-ce que c'est des crayons? J'ai regardé certains dessins, certaines illustrations. Et on ne distingue pas trop à l'aide de quoi tu fais ça. Du coup, je dessine il y a plusieurs types de crayons, en fait, suivant le type de support. Si je vais dessiner sur une feuille A4, par exemple, je vais utiliser un crayon, je ne sais pas si on veut dire la marque, mais ça s'appelle Uniball. C'est des crayons, c'est des espèces de feutres à pointe très fine, entre 0,5 jusqu'à 1 mm. Et en général, j'aime bien dessiner avec ça parce que ça sèche très rapidement. Donc, si on veut mettre de la couleur par derrière, du coup, on peut le faire très rapidement. Et si j'ai besoin de dessiner sur des plus grands supports, bah après il y a tout ce qui est Posca et puis d'autres marqueurs. Pour le vélo, on a utilisé un autre marqueur à base d'huile pour que ça adhère du coup bien. Et puis je voulais un marqueur très fin aussi et finalement on a trouvé ce fameux marqueur que je trouvais ça pas mal et Mélanie aussi. Quoi. Alors on aboutit ici, tu as dit « on ». Parce qu'en fait, vous êtes venus à deux, et ce n'est pas pour rien, je vais vous laisser dire pourquoi. Du coup, on a créé un vélo, tous les deux, et un fixie. Donc, Mélanie, du coup, a récupéré un vélo qu'elle a chiné, qu'elle a remis à nu, et qu'elle a repeint ensuite en blanc. On a choisi le blanc... pour quelque chose de très pur, du coup. Et l'idée de la collaboration, c'est que moi, j'étais plutôt sur la mécanique et construction. Et Cédric était plutôt sur l'habillage du vélo, ce qui faisait une belle complémentarité. Et cette collaboration est venue il y a un petit peu plus d'un an sur le fait qu'on échangeait ensemble travail respectif et étant chacun attiré par ce que faisait l'un et l'autre, du coup on s'est dit bah, pourquoi faire une collaboration et faire quelque chose d'unique. Du coup ouais, on a créé ce vélo, un fixie, On a un vélo sans frein, du coup, avec un pignon fixe. Et donc moi, ouais, j'ai dessiné dessus tout un tas de doodles. Ça va à des objets, beaucoup de chats, parce que c'est un vélo pour Mélanie. Et du coup, je voulais rester un peu dans l'univers de ce qu'elle aime. Voilà. Donc dans l'univers des chats aussi, de Graham. C'est ça, fallait qu'il soit présent. Oui, c'est ça, dans le vélo en lui-même. Alors, est-ce que vous exposez tous les deux, d'abord les vélos? Est-ce que tu les exposes, tes vélos, quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les admirer? Non, du tout. Ça va être que sur les réseaux sociaux pour voir les vélos. Et après, quand je fais des expositions ou des manifestations extérieures, je peux être présente et là, on peut en voir. Mais sinon, non, j'ai pas d'endroit où ils sont exposés. Et est-ce qu'il y a des futures expos qui se profilent ou pas du tout pour l'instant? Peut-être à voir. Ah, peut-être en 2020, ouais. D'accord. Bon, bah... À rester connecté pour ouais, voir. Ouais, c'est ça, pour voir. Et de ton côté, est-ce que t'exposes? Bah oui, du coup, t'es là un peu pour ça. Au Barouf, je te laisse expliquer un petit peu le contexte, tout ça. Bah, du coup, c'est ma deuxième exposition au Barouf. J'aime bien le lieu, du coup, et c'est quand même plutôt sympa. On est toujours bien accueillis. Et donc, pour l'exposition, donc on présente le vélo qui est accroché sur un mur de pierre. Donc ça claque assez. On est bien dans un style un peu urbain, très new-yorkais. C'est vraiment sympa. Et puis après, à côté de ça, il y a pas mal d'œuvres autour du doodle. Il y a des choses assez plus anciennes, comme le violon, un violon bleu. Il y a aussi la collaboration que j'ai fait avec une artiste mancelle qui s'appelle Mathilde Aubier. On a fait une sérigraphie tous les deux, un dessin à quatre mains. Et puis différentes œuvres et autres. Et toute ma toute dernière série qui est autour du pointillisme. Je fais des dessins très géométriques, qui rappellent un peu la nature, avec de la forêt, des ours, la montagne, des baleines, des martiens. Et puis voilà, tout au point, des hachures, voilà, c'est un style totalement différent. Quoi. D'accord. Jusqu'à quand on peut voir cette expo au Barouf? Jusqu'au 30 novembre. Et j'ajoute juste un petit truc pour finir. Du coup, il y a toute la partie aussi sur un tatouage que j'ai réalisé pour un client à Lille, où il m'a demandé de réaliser l'illustration pour se faire tatouer le bras intégralement, du coup, de l'épaule au poignet. Et il m'a donné un thème qui est le Nintendo, et avec des jeux imposés, bien sûr, Pokémon, Mario et Zelda. Et il m'a imposé 65 illustrations qui devaient se retrouver dans le tatouage. Donc voilà, j'ai dessiné à peu près un peu plus de 200 illustrations pour le tatouage. Il s'est fait tatouer à Lille fin octobre par un tatoueur suisse. Et voilà, et ça, c'est pratiquement fini ce tatouage. Il sera fini fin décembre, mais on peut admirer au Barouf quelques photos de la session tatouage. Génial. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je vais d'abord, avant de faire la pause musicale, je vais vous demander pourquoi vous avez amené Interiors du groupe Quadrupède. Bah, parce que du coup, Quadrupède, c'est un groupe que j'aime énormément et depuis leur début. Moi je suis issu du Topitre, de l'association Utopitre, association qui organisait des concerts dans une ancienne salle de cours à l'université. Et mon deuxième concert, moi, du coup, dans l'association, c'était le deuxième concert de Quadrupède, leur deuxième concert. Et j'avais adoré, du coup. Et je les suis depuis ça, et ça remonte à. Depuis le premier album, donc. Vraiment très longtemps, et puis je les suis tout le temps, j'aime bien ce qu'ils font, je surkiffe le matrock, donc là j'avais envie de mettre de ramener ça, parce que en plus ils sortent leur nouvel album là dans quelques jours, donc je voulais en profiter pour les mettre un peu en avant aussi, quoi. D'accord, et ben on leur fait un petit clin d'œil en lançant ce titre. vous écoutez toujours Cartable FM 93.3, Let's Talk. On est toujours en direct avec Mélanie et Cédric. Donc Cédric qui expose au Barou pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, et Mélanie qui s'occupe de la bicyclette de Graham, atelier de restauration de vélo. On a parlé tout à l'heure de se faire connaître un petit peu. Par quel biais vous le faites, vous ? Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de vos comptes Facebook, Instagram, ce genre de choses, pour que les auditeurs puissent après regarder ? Du coup, moi j'ai un site web, ça s'appelle cédriccharrier.fr, parce que je suis graphiste et illustrateur et webmaster. Donc on peut retrouver du coup tous mes travaux en fait, professionnels du coup, sur ce site. Et à côté de ça, bah, sur Instagram, Cédric Latouf. Et quoi qu'il arrive sur mon site, il y a le lien vers tous les réseaux sociaux. Donc voilà, parce qu'il y en a différentes, Biance, Dribble, et puis j'ai perdu l'autre, c'est pas grave. Mais voilà, et on ne trouve pas trop sur Facebook, c'est pas très grave. Vaut mieux aller sur Instagram. D'accord, oui j'ai vu ça d'ailleurs. Et pour moi du coup, donc site internet, labicyclettedegram.fr, Instagram labicyclettedegram.fr, et j'ai une page Facebook labicyclettedegram.fr, tout simplement, on trouve facilement. On est vélo vintage et on me trouve sans souci. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà passé dans des médias type radio, journal ou télévision, ou vous n'en êtes encore qu'aux expositions ? Du coup, on était à France Bleu Maine juste avant. Et puis la semaine dernière, on était à Radio Alpa. Donc voilà, donc on fait un petit peu le tour. Après, qui veut bien nous accueillir, on vient, hein, limite. On a un petit encart aussi dans le Mans, ma ville. Ah oui, voilà, c'est vrai. Voilà. On va commencer à être rodé dans l'exercice, du coup. C'est ça. Ça commence à être pas mal. Je vais laisser la parole à Romain. Est-ce que tu as des questions à leur poser ? Est-ce que tu as des interrogations ? Eh bien, je voulais juste vous demander, est-ce que vous arriviez à vivre de votre passion, ou est-ce que vous aviez quelque chose derrière ? Pour moi, non. C'est difficile d'en vivre. Et après, j'ai la chance d'avoir un boulot à côté, si eux, ou que j'ai un boulot à temps plein, du coup, à l'ITEM, et ce qui m'aide beaucoup. Après, pour l'instant, de pouvoir vivre de tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ça, j'ai quelques contrats dans l'année qui me changent un peu les idées, on va dire, des fois. Ok. Et pour vous, Mélanie ? Et pour moi, du coup, c'est mon métier principal. Donc, du coup, c'est mon activité principale. Et je me tire un petit salaire. C'est pas énorme, mais j'essaye en tout cas de me tirer un petit salaire. Bah, c'est bien. C'est génial de pouvoir vivre de ce qu'on aime, de sa passion. De vivre plus ou moins bien, plus ou moins... Mais en tout cas, on fait ce qu'on aime. Je vais clore cette interview, parce que tout simplement parce que vous en avez beaucoup dit déjà, et que faut pas trop en dire, faut laisser les gens aller à vos expositions, voire même prendre des rendez-vous si ils trouvent des vélos à restaurer pour Mélanie, ou aller voir au Barouf aussi surtout. Ouais, faut vraiment se rendre compte, parce que de parler de tout ça, c'est toujours un peu délicat, c'est difficile de l'expliquer. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller voir, de se rendre compte, quoi. Et le Barouf, c'est un endroit super, en plus. Donc, il y a vraiment des bons concerts, il y a des choses qui se passent qui est vraiment bien, donc il faut y aller. Et où est-ce que c'est, le Barouf, pour ceux qui ne connaissent pas ? Rue Victor Benomé, je ne me rappelle plus. Benomé, oui, c'est ça. Ouais, qui n'est pas loin de la place de la République, et c'est la rue qui descend pour aller place de l'Éperon. Ok, voilà, ça peut donner un petit tour de... À côté du bar à chat. Ouais, nouveau bar à chat. Bah, le Barou, c'est un super endroit pour exposer. Même Sam, qui est venu à l'émission il y a 4 semaines maintenant, il exposait aussi au Barouf en février. C'est pour ça, c'est un beau rassemblement. Je vais vous dire encore un grand merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et peut-être à bientôt, du coup, parce que je suis toujours pas allé voir l'exposition, donc je vais y aller. Voilà. Et voilà, encore merci à vous. Merci et beaucoup. Et on va lancer un deuxième morceau, Nantes de Beyrouth, que Mélanie a choisi. It's been a long time, long time now, since I've seen you smile. been a long time, long time ago since I've seen you smile. And I'll gamble away my pride. And I'll gamble away my time. And in a year or so, it's no slip into the sea. But it's been a long time, long time now since I've seen you smile. Vous écoutez toujours Let's Talk sur Cartable FM 93.3 et j'annonce Romain qui va nous faire son petit agenda culturel. Vas-y Romain, on va voir ce que tu nous as concocté. L'agenda culturel et aujourd'hui c'est une sélection de sorties théâtre pour cette semaine avec trois pièces de théâtre et une autre sortie qui par contre n'a aucun rapport avec le théâtre qui est un festival de blues. J'y reviendrai juste après. Donc, nous avons la pièce de théâtre Item qui se déroule du 14 novembre au 23 novembre au théâtre du Radeau. Les heures peuvent varier, donc je vous invite à aller sur le site leradeau.fr qui est le site du théâtre et le prix peut varier entre 7 et 12 euros. Ensuite, nous avons la pièce Don Juan qui se produit du 14 au 16 novembre à l'Écluse à 20h30 et le prix est gratuit, c'est au chapeau, c'est-à-dire que c'est gratuit mais vous pouvez rajouter de l'argent pour l'artiste. Ensuite, nous avons la pièce Roméa et Juliette. Roméo, du coup. Oui, mieux. C'est le petit jeu de mots. Qui se représente du 15 au 17 novembre au théâtre de Chaoué, à Alonne. Et c'est à partir de 13 ans. Donc les plus jeunes d'entre nous ne pourront pas y aller, malheureusement. Dommage, Romain. Tu voulais y aller, c'est ça? Oh, arrête. Et ça sera le vendredi à 20h30, le samedi à 18h et le dimanche à 16h. Et le prix est toujours au chapeau et peut varier. Et enfin, je vous ai parlé au début d'un festival de blues, c'est le festival So Blues, qui se déroule du 14 au 16 novembre au Saulnières, et je vous invite à aller sur le site europajazz.fr si vous voulez avoir plus d'informations. Merci Robin pour ce que tu nous as concocté, c'est mieux. Oui, c'est ça. Et on va enchaîner avec le traditionnel tourne-disque. Donc, quoi de neuf dans la boîte à tubes cette semaine? Eh bien déjà, le dernier titre de Jean-Louis Aubert, Là où je vis, qui sortira dans l'album Refuge le 15 novembre 2019, qu'on va écouter tout de suite. À l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée, le temps s'est envolé, a cessé de couler, les jours passent comme de l'eau, à mes pieds immobiles, de grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son jour. Et le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour suit son cours et le cours mettre puis respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée. La ville est souvenir, en vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée. Chante un autre avenir, l'amour suit son cours et le cours à ce jour. Ouais. Le maître a dit rester, les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis, et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver, va donc la retrouver, va la retrouver, va la retrouver. Vous écoutez toujours Cartable FM 93.3 et on va continuer notre petite, petite sélection du jour avec What I'm Living For, avec What I'm Living For de Lady Antebellum, qui vont sortir un album nommé Océan le même jour que l'album Refuge, donc le 15-11-2019. Sad story eyes, so how do you have no words to say? All I want is to fall in deeper than I've ever been. Why won't you let me? I can handle your heart, so help me. Here you are next to me, so much beauty at my feet. All I wanna do is swim, but the keep crashing in. No, I'm not afraid to drown. Take me out, take me down. I'm so tired of the shore. Let me in, baby. You're an ocean beautiful and blue. I wanna swim in you. Been shining bright through the dark for the both of us, and I've done it out of love's not enough, but God, how I wish it was. And I don't wanna find out how much lonely I can take before you lose me. Thank you. C'était Lady Antebellum sur Cartable FM 93.3 et ça va déjà être l'heure de vous quitter. On va dire au revoir à nos chers invités qui sont venus, qui ont accepté notre invitation. Et à bientôt, dans deux semaines, Romain. Et bah dans deux semaines à toi aussi, Sacha. Et bah salut, et à dans deux semaines. Bisous. Pourquoi bisous ?